freiné par tes bails pécuniers. De la paperasse qui s'entasse, tu rends toute ma fiche écoperée. Galas qui fuissait ma barque où il a dérivé en marche. Ils ont tous emboîté le pas, je suis rarement dans la file d'attente. J'ai pas besoin de bosser des spines, c'est pas des flots, c'est des armes. Je suis démon faux, c'est les ça. Trop de flemme pour que je m'élève, car déjà faut que je finisse ma net car au chromis. J'évite les polémiques, de toute façon je m'en tape. Rien n'a pas de la politique idyllique qui t'encule ça. Déjà ma vie n'a qu'une loi. Essayez de la garder, je me sabote souvent seul comme si j'avais noué mes lacets. On laissera rien dans l'assiette vu qu'on mange en dernier. Je m'en plains pas mais je retiens les têtes de ceux qui s'empiffrent. Mec, je grandis plus, j'empire frère, je mets plus les guillemets. Plus d'équité, à 10 sur un ange, ils l'ont niqué. De toute façon, je suis déjà grillé, c'est pas le bien qui renvoie. Je partirai de façon inopinée sans fermer la porte. Bien dans le fond, les flammes que crée ma rage réchauffe, c'est pas mal. Ressens-tu le doux parfum que la mort a laissé par là? Je construirai mes paraves quitte à m'écorcher les watts. Pas facile de faire un pas de l'avant quand tout décor c'est un noir. Bien dans le fond, les flammes que crée ma rage réchauffe, c'est pas mal. Ressens-tu le doux parfum que la mort a laissé par là? Je construirai mes paraves quitte à m'écorcher les watts. Pas facile de faire un pas de l'avant quand tout décor c'est un noir. C'est sûr, je suis du père sur cette terre qui part en 7 sur 7 sur 7. Ça fait belle lurette, je suis plus zen, je me tiens entre 10 et du stress. Vos erreurs niquées, niquées, aux idées qui n'ont ni que ni tête, je kick, c'est nickel. Je vide le big, c'est plié, je viser l'idée déguisée. Faudrait filer vite fait, gommer le vice dessiné, paumé, je rime et j'y perds. Colérique, j'écris des pros, mais qui les lit, frère? Pas là pour fidéliser, je vais pas me procurer de 9000 lits pour paraître plus crédible devant ces types et tirer. Quoi, quoi, je veux pas ça pour qu'on me porte comme une croix de bois. Tu peux croire en homme pour me stop, il faudra du time là. Sur cool, je joue le jeu, c'est pas pour nada. Si je fous le feu, je prends l'âme d'un tueur, fout des classes ou flaca. Je prie en secrète pour pas faner comme un chrysanthème. J'écris sans thème quand c'est écrit dans le ciel et que les rimes s'en mêlent. Gros flow qui frappe, autodidacte, poteau je mitraille, les flocos qui rappent, choc le climat. Bien dans le fond, les flammes que crée ma rage réchauffe, c'est pas mal. Ressens-tu le tout parfum que la mort a laissé par là? Je construirai mes paraves quitte à m'écorcher les watts. Pas facile de faire un pas de l'avant quand tout décor c'est un noir. Bien dans le fond, les flammes que crée ma rage réchauffe, c'est pas mal. Ressens-tu le tout parfum que la mort a laissé par là? Je construirai mes paraves quitte à m'écorcher les watts. Pas facile de faire un pas de l'avant quand tout décor c'est un noir.